personne. En vrai je veux pas percer, j'attends que mon meilleur sonne. Je suis triste à chaque birthday, ils préfèrent te voir au sol. Notre réussite full seum, pas besoin de boussole. Y'a le tout puissant pour me guider. J'ai passé la nuit à penser, mourir on est né pour ça. On refuse d'être adulé. Maman attend la rosa. J'pense à toi frère, j'ai le cœur pas la frêle. Quand je vois le sourire de mon frère, je me dis qu'il est fort. La rue ça pue sa mère, on fait pleurer nos mères. Passe trop de temps dehors, sans compter les heures, sans on compter les mois. On m'appelle au téléphone, on me dit que mon frère est mort. T'inquiète, on fait avec. Fuck ici, bas. L'argent divise, mais on dirige mieux. Ici, on s'aime mais on s'ignore. Parce que l'autre veut la plus grosse part. Personne veut assumer ses torts. Donc, on a changé la guitare. Non, non, c'est pas la peine. Par balle dans la bête. Oh là là. Évitons la guerre. Pourquoi?